Paragraphe 1, l'expérience 1. Alors, nous allons prendre les choses en logicien par le commencement. Stuart Mill a écrit une logique. Qu'est-ce que la logique ? C'est une science. Quel est son objet ? Ce sont les sciences. Car supposez que vous ayez parcouru l'univers et que vous le connaissiez tout entier, astres, terre, soleil, chaleur, pesanteur, affinités, espèces minérales, révolutions géologiques, plantes, animaux, événements humains, et tout ce qu'explique ou embrasse les classifications et les théories, il vous restera encore à connaître ces classifications et ces théories. Non seulement il y a l'ordre des êtres, mais il y a encore l'ordre des pensées qui les représentent. Non seulement il y a des plantes et des animaux, mais encore il y a une botanique et une zoologie. Non seulement il y a des lignes, des surfaces, des volumes et des nombres, mais encore il y a une géométrie et une arithmétique. Les sciences sont donc des choses réelles, comme les faits eux-mêmes. Elles peuvent donc être, comme les faits, un sujet d'étude. On peut les analyser comme on analyse les faits, rechercher leurs éléments, leur composition, leur ordre, leur rapport et leur fin. Il y a donc une science des sciences. C'est cette science qu'on appelle logique, et qui est l'objet du livre de Stuart Mill. On n'y décompose point les opérations de l'esprit en elles-mêmes, la mémoire, l'association des idées, la perception extérieure. Ceci est une affaire de psychologie. On n'y discute pas de la valeur de ces opérations, la véracité de notre intelligence, la certitude absolue de nos connaissances élémentaires. Ceci est une affaire de métaphysique. On y suppose nos facultés en exercice et l'on y admet leurs découvertes originelles. On prend l'instrument tel que la nature nous le fournit et l'on se fie à son exactitude. On laisse à d'autres le soin de démonter son mécanisme et la curiosité de contrôler ses résultats. On part de ces opérations primitives, on recherche comment elles s'ajoutent les unes aux autres, comment elles se combinent les unes avec les autres, comment elles se transforment les unes les autres, comment, à force d'addition, de combinaison et de transformation, elles finissent par composer un système de vérités, liées et croissantes. On fait la théorie de la science, comme d'autres font la théorie de la végétation, de l'esprit, des nombres. Voilà l'idée de la logique, et il est clair qu'elle a, au même titre que les autres sciences, sa matière réelle, son domaine distinct, son importance visible, sa méthode propre et son avenir certain.